attendant le verdict. Même si je suis en crise, faut pas que je réponde, faut juste que je médite. La fille qui me vise ne me connaît pas, mais pourtant elle débite des mots qui me brisent. Elle donne et distribue de la méchanceté gratuite. Tu mêles la religion, tu prophètes la bonne parole, mais je ne vois pas d'elle à ton dos. Tu me donnes des leçons, parce que je n'ai pas ta foi, ni que je ne porte ton drapeau. Mais je ne suis pas un mouton, j'ai ma propre conviction ainsi que mes propres idéaux. Je préfère croire aux hommes bons, de ceux qui font le bien et qui ne le crient pas si haut. Si haut, si haut, si haut. C'est l'heure de mon jugement, elle juge et me flingue à bout portant. C'est l'heure de mon jugement, je suis loin d'être parfait mais grâce à elle je le sais à présent. C'est l'heure de mon jugement, elle juge et me flingue à bout portant. C'est l'heure de mon jugement, je suis loin d'être parfait mais grâce à elle je le sais à présent. Oui, grande prêtresse de la morale, des flèches empoisonnées ne peuvent pas atteindre mon cœur. À tes yeux je suis immoral, mais en attendant ton homme t'a laissé dans le malheur. Petite fille de nulle part, si loin d'être parfaite, tu crois connaître les gens par cœur. Tu sais il n'est pas trop tard pour repartir à zéro et reconnaître ses erreurs. Mais tu juges, oui tu me juges. Mais tu juges, et puis tu n'es pas à ma place pour savoir au fond de moi ce que je ressens. Tu te crois efficace, ta moralité s'envole comme des feuilles mortes sous le vent. Que veux-tu que j'y fasse si l'ignorance habite mes pensées et mes sentiments? Mais de toi je suis las, à force de t'écouter j'ai l'impression de perdre mon temps. Mon temps, mon temps, mon temps. Oui, de perdre mon temps, hein. Car voici mon jugement. C'est l'heure de mon jugement. Elle juge et me flingue à bout portant. C'est l'heure de mon jugement. Je suis loin d'être parfait mais grâce à elle je le sais à présent. C'est l'heure de mon jugement. Elle juge et me flingue à bout portant. C'est l'heure de mon jugement. Je suis loin d'être parfait mais grâce à elle je le sais à présent. Oui je le sais à présent. À présent, je le sais à présent. À